Bonjour à tous. Voilà, dans le cadre de ces journées, promenons-nous dans l'histoire et dans la forêt, dans l'histoire forestière. Je vous propose aujourd'hui, j'ai proposé au comité d'organisation, un exposé qui prend pour titre « La forêt et l'organisation de la zone frontière du nord-est de la France sur un siècle 1815-1914 ». Quel est l'intérêt de ce sujet? Il est une question d'histoire, d'histoire militaire, d'histoire tout court, d'histoire forestière, mais aussi une question, il aborde des questions d'aménagement du territoire. Parce que si on regarde, on analyse tous les dossiers de ce que, au XIXe siècle, jusqu'en 1930, on appelait la commission mixte des travaux publics, on s'aperçoit finalement qu'une bonne partie des paysages aujourd'hui forestiers sont dus à des décisions militaires, décisions prises entre 1815 et 1914 en particulier, quant aux autorisations ou au refus d'autorisation de défricher les forêts. C'est un pan de l'histoire assez peu connu. Mais finalement, la géographie forestière d'aujourd'hui doit beaucoup à la position frontalière, historique, multiséculaire de la France du Nord et de la France de l'Est, secondairement d'ailleurs, de la frontière espagnole et de la frontière italienne. D'où ce thème, 1815-1914. Plaçons-nous en 1913, janvier 1913, et soyons l'aménagiste de la forêt de Somme-Dieu, dans la Meuse. Et un constat amer de cet aménagiste, le nouveau déboisement dans cette forêt de Somme-Dieu va porter à 892 hectares la superficie totale des peuplements détruits sur les 2476 hectares que la forêt comprenait lors de l'aménagement de 1855, premier aménagement d'une forêt domanialisée en 1849 et 1855. Tout en s'inclinant devant les nécessités de la défense nationale, des forestiers ne peuvent pas ne pas regretter la disparition d'aussi beaux massifs qu'ils entouraient de tous leurs soins et qui vont dans peu de temps agrandir encore l'étendue morne et improductive des déboisés militaires. Voilà cette citation en exergue, et je reprendrai la même citation en fin d'exposé, et nous allons voir là ce que sont ces nécessités de la défense nationale à travers les déboisés militaires et finalement à travers ou au filtre de l'histoire forestière. Voici la localisation de la forêt de Somme-Dieu, en vert foncé ici, et là, en 1913, ce croquis pour, vous voyez la position des curés, là où nous sommes, pour montrer ce qu'est la nécessité de la défense nationale. C'est la nouvelle frontière, la frontière de 1873, du traité de Francfort, et c'est la constitution pendant près de 50 ans d'une extraordinaire puissance militaire de la militarisation et de la fortification de Metz, avec ces flèches noires qui montrent les directions, les axes de la menace. Et ces axes de la menace sur la France, rencontrent des paysages, rencontrent des milieux physiques, sans parler des milieux humains, mais des milieux physiques particulièrement spécifiques à ces régions de l'Est, et en particulier l'association, comme nous le voyons là, de formes de relief que les géographes appellent des côtes, la côte de Meuse, les Hauts-de-Meuse, et des forêts qui occupent le haut du revers de cette côte, comme cette ligne forestière qui est ici, qui est symbolisée, avec par endroits des trouées, la trouée de Toul, à Commercy et à Verdun. Cette association de la forêt et du relief fait, devant cette menace allemande en 1913, un intérêt très particulier de l'association forêt et relief. Les déboisés militaires, d'où la menace, c'est ce que j'ai souligné, la première phrase soulignée. La deuxième phrase, c'est les déboisés militaires. Qu'est-ce qu'un déboisé militaire? Vous en avez un exemple là. Derrière un blocos de mitrailleuse, devant un territoire ouvert, un espace ouvert, occupé par un réseau de barbelés, et entre les deux, entre la lisière forestière et le blocos de mitrailleuse, un aménagement très spécifique, très particulier, militaire de la forêt, qu'on appelle un déboisé. On coupe les arbres à 1,30 m, 1,50 m. Les parties coupées, les volis, on les oriente, comme au temps des Romains, du côté de l'Est, et on a ainsi un déboisé. Voilà l'étendue morne des déboisés militaires. Évidemment, la valeur forestière est quasiment annihilée. Deux périodes dans, dans ce siècle, hein, c'est, et je vais voir, le thème les forêts, donc dans l'organisation de la zone frontière. La première période, c'est 1815-1870, la seconde, 1873-1914, on voit bien que c'est la guerre franco-prussienne qui fait la limite. La zone frontière, qui existe toujours d'ailleurs, on en parle très peu, mais elle existe toujours, avec des spécificités, même si nous sommes dans un système ou dans un ordre sécularisé, enfin civilisé, la zone frontière existe toujours. L'ordonnance royale du 31 décembre 1776 dit « Aucune construction ne pourra être faite dans les provinces frontières sans que les projets en aient été communiqués au ministère de la guerre ». Pour la première fois, 1776, l'importance de la zone frontière est conçue en tant que territoire et en tant que forme d'aménagement du territoire et de transformation de ce territoire. Une autre loi, celle d'avril 1851, précise que la zone frontière est le mode et le territoire, d'abord, donc c'est un espace défini, et le mode d'organisation des interventions du département de la guerre ou du ministère de la guerre. En quoi ceci est-il important ? Eh bien, parce que les guerres napoléoniennes se terminent par les deux traités de Paris de 1814 et de 1815. Celui du le deuxième, du 20 novembre 1815, donne naissance à une nouvelle Europe, mais une nouvelle Europe qui, pour la France, crée sur sa frontière nord-est une géographie qui n'était pas connue depuis la Révolution. C'est ce fameux doigt de gant de Givet, hein, avec la perte en 1815 de deux parties, le secteur du territoire de Chimé d'un côté et de Bouillon de l'autre, qui sont donnés au royaume des Pays-Bas, alors que la frontière de 1814 restait intégrée toujours ces deux territoires à la France. Puis au royaume de Prusse, une partie de la Sarre, et au royaume de Bavière, une partie du Palatinat. Donc la France revient au 20 novembre 1815 à la frontière de 1790. Et cette frontière de 1790, elle présente un caractère très particulier, qui est celui de ce qu'on a appelé, de ce que les géographes, les militaires, les géopoliticiens ou autres ont appelé la trouée de Chimay. Et cette trouée de Chimay, vous la voyez très bien ici, sur cette carte Google Earth, c'est ce passage qui va de Givet jusqu'ici à la frontière franco-belge à travers la grande trouée agricole de Chimay, de part et d'autre de ces deux massifs forestiers, qui se prolongent d'ailleurs en France par les deux massifs forestiers du Nouvion et de la forêt d'Hirson. Une fois franchi ce seuil, ce goulet Hirson-Nouvion, c'est la descente possible à travers les plaines plateaux de la Picardie et de la Champagne vers l'île de France. Ce second traité de Paris, donc, c'est la naissance d'une nouvelle Europe, et cette nouvelle frontière oblige la France à repenser sa défense. Et dans la France de l'Est, ouvrage d'ailleurs tout à fait intéressant parce qu'il est publié en 1917, avant la fin de la guerre. Vous avez d'ailleurs dans une étude sur, qui a été réalisée il y a deux ans sur un livre sur les découvertes scientifiques pendant cette période et qui a été publié, je ne sais plus quelles éditions, en Lorraine, un article sur ce livre de Vidal de Lablache. Peu importe, mais il dit... Le second traité de Paris portait la trace de cette ambition inquiète qui, dans une annexion, en prépare d'autres et pose dans une conquête les jalons des conquêtes futures. C'est la reprise d'expression d'hommes politiques en 1815, au moment où la Restauration s'établit, sur ce tremblement qui saisit les responsables politiques de cette nouvelle frontière ouverte. Le ministre de la guerre, Laurent de Gouvion-Saint-Cyr, en 1818, écrit « Les pertes de territoire dérangent toutes les combinaisons défensives et obligent à en trouver de nouvelles ». Et je prendrai une étude de cas d'un site ou d'un ensemble de sites qui est la barrière argonnaise. Voilà ici la route symbolisée, la Nationale 3, la route d'Allemagne, entre Paris et Metz, cette route qui se... l'avenue Lafayette, la rue Lafayette à Paris, c'est très longtemps appelée la route d'Allemagne. Et cette route d'Allemagne qui va sur Metz traverse, pas loin de Sommedieu, sur Verdun, et la forêt d'Argonne. Comme le disait, en prenant cette expression, Jean-Pierre Husson tout à l'heure, c'est un lieu de condensation. l'Argonne. C'est un lieu de condensation. En effet, ce massif d'Argonne, c'est une barrière. C'est une barrière morphologique, c'est une barrière forestière, une barrière historique, une barrière culturelle, une barrière militaire, et ce, depuis l'époque romaine. On a là un espace tout à fait intéressant dans son approche historique sur la longue durée à travers ces termes. Dans un article qui s'appelle « Des limites féodales aux frontières politiques » dans les lieux de mémoire, Bernard Guéné écrit « L'Argonne fut la frontière ». C'est moi qui souligne, entre la France et l'Empire. Et c'est par des procès successifs que les rois de France franchirent cet obstacle pour marcher au Rhin, revendiquant les passages et s'efforçant de créer des enclaves. Et c'est ceci qui est une grande partie des mots très forts qui permettent ou qui ouvrent des clés de compréhension de l'histoire de l'Argonne. Cette Argonne abrite la fameuse ligne frontière à travers cette marge, dans cette marge frontière, la ligne frontière du Val de Bièmes. Voici ici le village des Ilettes. Je vous épargne ce que Arthur Jung, en 1788, disait des habitants des Ilettes, hein, dont il disait qu'ils pénétraient, venant de Champagne, dans un monde inconnu, peuplé d'êtres dont ça ne se fait pas encore si c'était des humains, y rentrer dans les anciens, j'exagère un peu, ils en, pas beaucoup, hein, y rentrer dans les terres de l'ancien empire romain germanique sur la vallée de la Bièmes qui fait cette séparation interne des Ilettes. Et l'Argonne, après 1815, est comprise dans la zone frontière, puisque c'est un grand massif méridien forestier qui offre, bien sûr, une barrière à toute invasion ou tout passage. La loi, la zone frontière, la loi, je reviens sur la loi de 51, le territoire et le mode d'organisation des interventions du département de la guerre. En effet, sur cette zone frontière sont examinés, dit la loi, les travaux projetés par les administrations publiques ou par la marine, lorsqu'ils sont de nature à exercer de l'influence sur la défense du territoire. Autrement dit, vous déposeriez ce qu'on appelle aujourd'hui un permis de construire, ça passe, si vous êtes dans la zone frontière, ça passe au filtre d'un ensemble, d'une réglementation qui voit un ensemble d'étapes successives avant de vous interdire quasiment la transformation. J'exagère un peu, on va voir quelques cas. Mais donc, on ne peut pas faire dans cette zone frontière ce que l'on veut. Les limites de la zone frontière à l'extérieur sont les frontières d'État, et donc la limite extérieure varie avec la limite de la frontière. À l'intérieur, elle est tracée par la considération des formes naturelles du terrain, constituant soit une ligne de défense, soit une démarcation bien tranchée, des cours d'eau, des routes, indépendantes des limites des départements, purement administratifs. Alors là, on touche des problèmes d'aménagement du territoire aujourd'hui, comment transcender les limites départementales à travers les pays, à travers autre chose, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Les limites, donc, varient selon le contexte géostratégique international, et c'est le ministère de la guerre qui détermine par son organe de décision, qui est le comité des fortifications, qui détermine les limites internes de la zone frontière. L'organe d'application de tout ce qui est les modifications ou les propositions de modifications sur cette zone frontière, c'est la commission mixte des travaux publics. La mission de la commission, c'est de concilier les divers intérêts et, si elle ne peut établir l'accord entre les services intervenants, indiquer la limite dans laquelle il lui paraît possible de satisfaire aux besoins des localités sans compromettre la défense du pays. La commission mixte, comme son nom l'indique, est composée de représentants départementaux de tous les corps constitués de l'État, la défense, l'agriculture, les services publics, les ponts et chaussées, etc., tous les ministères qu'on appellerait aujourd'hui décentralisés dans les régions et qui ont un représentant dans cette commission. Pour ce qui nous intéresse, elle statue sur les dossiers de demande, ici de toute demande d'aménagement, dont les défrichements, par l'adhésion à la demande ou le refus d'adhésion à la demande. Décret impérial du 16 août 1853, qui est le plus important parce que c'est le plus strict, Il porte sur la démilitation de la zone frontière sur proposition du comité de fortification. Et vous voyez que l'Argonne est incluse là, dans la zone frontière. Et vous remarquez d'ailleurs l'importance de cette zone frontière, hein, là, en particulier sur l'Est, beaucoup plus évidemment que sur l'Est. Mais il existe une zone frontière sur le littoral. Hein, la menace anglaise liée, non pas au Brexit, mais à l'occupation des forts ou des parties du littoral toujours menacées, et puis l'Espagne. Et on voit que toute la France possède une zone frontière. L'Argonne est dans la zone frontière afin d'y contrôler, entre autres, les demandes de défrichement. Et donc, les demandes de disparition de la forêt. Je prends quelques exemples. Entre 1856 et 1862, une forêt domaniale disparaît. C'est la forêt domaniale de Chéhéry, qui fait 600 hectares. Dans la conversation tout à l'heure, Jean-Pierre Husson disait qu'on était à ce moment-là, avant la guerre, dans une période où l'aliénation, qui aujourd'hui, l'aliénation des forêts d'État est impossible, elle est possible. Elle est possible parce que la forêt est une source de financement. Jusqu'en 1877, la direction des forêts appartient au ministère des Finances et pas au ministère de l'Agriculture. Donc, besoin d'argent, on vend des forêts. La loi de 1850 est une grande loi d'aliénation forestière. Et les propriétaires de la forêt de Chéhéry, 600 hectares, l'État, 600 hectares, vend cette forêt. Et comme il sent que ça va être difficile, il la vend sans demander quoi que ce soit au comité de frontières et au ministère de la guerre. Toujours est-il qu'en 2 ans, cette forêt domaniale disparaît. La voici ici, la carte topographique d'aujourd'hui, et j'ai dessiné là la forêt domaniale. Là, nous sommes sur la vallée de l'Aire, Apremont, ici, Apremont est là, et voilà cette forêt qui est défrichée, et ici, on la voit bien sur la carte de Cassini, cette forêt de Chéhéry. C'est un cas que le ministère de la guerre décide de ne plus voir se reproduire. Et il y a là un échange de courriers, un échange entre les deux ministères, ministère de la Défense, ministère de la Guerre et ministère des Finances, qui vaut son pesant d'or. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, à partir de 1856, toutes les demandes de défrichement sur l'Argonne sont repoussées. Alors, je ne vais pas rentrer dans les explications, mais voici ici la vallée de l'Aisne, la vallée de l'Aire, les deux parties de l'Argonne, et ici, avec des pointillés, les bois appartenant à des propriétaires privés qui demandent des défrichements. Et pour tous ces bois, ces demandes sont refusées. Elles peuvent être acceptées par certains membres de la commission mixte, Ponts et Chaussées par exemple, Agriculture, qui dira « oui, bon, on peut défricher ». Le représentant du génie de la place refuse systématiquement, et on a là tous les dossiers de ce refus. La guerre de 1870 montre, et là, les batailles en Argonne, par exemple, qui sont maintenant bien connues, bien documentées par les historiens, montre que la forêt a joué un rôle important durant cette guerre. Depuis la guerre franco-prussienne, les Prussiens nous ont appris le parti que l'on peut tirer des forêts. Il est probable que la plupart des bois de la Lorraine et de la Champagne vont se trouver dans la nouvelle zone de défense et qu'il ne faudra plus songer à les toucher. Et avec ce rapport de 1873, on rentre dans cette seconde partie de la période. En effet, le traité de Francfort de 1871 inverse la menace qui pèse sur l'est de la France. La carte de tout à l'heure d'introduction et la carte qui était celle jusqu'à la guerre de 1870 avec évidemment l'inversion de cette menace sur le territoire. Et comme dit Eugène Thénault, un journaliste de la Gironde, la France ouverte et sa frontière démantelée, je vous laisse la lecture de ces adjectifs, Une trouée énorme, une ouverture, un vide effroyable que cette nouvelle frontière, je vous en montre ici un exemple, un segment lorrain de cette nouvelle frontière. Voici ici la carte du traité de Francfort sur la délimitation de la frontière, et on voit bien ici que dans cette partie-là, près de Rezonville-Vionville, donc la frontière entre la Meurthe et Moselle et la entre la Moselle et la Meuse, eh bien la ligne frontière prend appui sur des lambeaux ou des fragments forestiers qui sont ici et que l'on retrouve aujourd'hui encore dans les paysages. Donc on a une assiette là de la ligne frontalière qui, après de très nombreuses négociations, prend en compte les limites forestières. Bon, je passe là-dessus, sur ces mises en scène consenti à la frontière. Pour en venir au-delà de la frontière, ce qu'elle signifie. Comment, sur cette frontière tout à fait artificielle et tout à fait nouvelle, comment appuyer la défense? Alors, cette défense, le ministère de la Guerre va l'appuyer sur ce que le général, à l'époque, commandant Niox, qui fut le premier directeur du musée de l'armée, le voici à son bureau en 1916, dans ce qui est le premier ouvrage de géographie militaire, véritablement de géographie militaire, qui s'appelle « Géographie militaire, la France, etc. », qui a été réédité pendant une trentaine d'années, en deuxième moitié du XIXe siècle. Voilà ce qu'il dit. « Cette crête nettement tracée, concentrique à Paris, forme une série de positions utilisables pour arrêter la marche d'armée d'invasion. » Il parle des Hauts-de-Meuse, dont il fait la cinquième crête. Elle est formée par l'étage jurassique moyen, c'est citation du livre, et plus importante que les précédentes. Ce cours de géographie est dispensé aux officiers à l'école de guerre. Plus importante que les précédentes. Cette crête, qui porte le nom de Côte-Lorraine, forme le premier obstacle naturel sur notre frontière de l'Est. Sur ces hauteurs ont été construits, c'est l'édition de 1882, ici, donc ça a commencé, ont été construits plusieurs des forts détachés de Toul et de Verdun et les forts de barrage de la position de Commercy. Fort détaché, c'est le début des places fortes, et puis la position de Commercy, c'est l'ouverture, c'est une des trouées des forts de barrage. L'Argonne est la troisième crête, formée par le Grévert, bien qu'elle ne soit pas d'abord très accentuée, etc. Elle se prolonge entre l'Aisne et l'Aire dans la forêt de l'Argonne. Elle est coupée par l'Aire à Grandpré et s'incline ensuite dans l'air. C'est sur ces structures complexes, associatives, de barrages associatifs entre la topographie, les crêtes et la couverture forestière sur les crêtes, sur les hauts des crêtes, sur les revers des plateaux ou parfois dans les fonds, comme dans les Waves, que s'organise le rideau défensif qui militarise à partir de 1873 le nord-est de la France avec les camps retranchés et les trouées. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais il faut en voir la relation à la forêt. Et c'est ainsi que, de 1873 à 1914, la forêt de Sommedieu produit de la défense. Elle produit du bois, elle produit de l'aménité, comme on dit aujourd'hui. Elle a des fonctions sociales, la forêt, des fonctions économiques, mais elle produit aussi de la défense. Et elle continue à produire de la défense. Produire de la défense, ça signifie, par exemple, que située sur cette forêt de Sommedieu, déterminée par un ensemble de blocs forestiers, SSS sont les numéros de série, ces blocs forestiers partagés par des grands axes, et en particulier le grand axe est-ouest qui la traverse et qui, de Reims, conduit vers Metz, la route nationale 3. La fortification, l'aménagement du système de défense de Verdun entraîne une constitution de la forêt produisant des installations de défense. Et c'est ce que vous voyez sur la droite, avec tout ce qui est en petit rond, ce sont les déboisés militaires. Le fort du Roselier, ici, les forts qui forment la ceinture fortifiée de Verdun, elle est ici, elle contourne, là on est au sud-est, hein, avec le fort du Roselier, le fort d'Audainville, et puis le fort des Ramées, ici, vous voyez, on est là. Eh bien, pour utiliser la forêt en termes d'éléments de défense, l'armée crée des abatis. Ces abatis forestiers que nous retrouvons, dans la citation que, à partir de laquelle je commençais cet exposé. Et vous avez ici une photographie d'un de ces axes, d'une de ces voies majeures sur la crête de la forêt de Somme-Dieu, qui est la tranchée de Calonne, et la voici ici, pendant la guerre, avec ses voies de communication, ses aménagements, ses déplacements de troupes et d'armement et de munitions. Je vais arrêter là et je vous remercie pour votre attention.